Chapitre 112. Paris. La longueur de ses rues, l'éclairage du soir, les omnibus. Que de mouvements et d'activités, mais aussi que de peines et de fatigues dans l'existence des grandes villes. Le soir même, nos trois amis, après avoir rendu visite au vieux sabotier Étienne et à sa femme, repartirent pour la France. Ils avaient résolu d'aller retrouver Guillaume, en passant par Paris, pour y recevoir les fonds de l'oncle France. André et Julien étaient ravis de passer par Paris. « Nous n'y resterons pas longtemps, » dit l'oncle France. « Néanmoins, je profiterai de notre passage pour vous faire connaître un peu la capitale de notre chère France. » Cette fois, on avait pris trois places dans le chemin de fer. On arriva le lendemain à 5 heures du matin. Après avoir installé ses malles dans une chambre voisine de la gare, on revêtit ses habits neufs. On mangea un morceau de pain et de fromage d'un grand appétit, et l'on se mit en route. Les magasins commençaient à s'ouvrir, les omnibus se mettaient en mouvement. Julien s'émerveillait de voir tant de monde aller et venir. Cependant, il ne tarda pas à trouver que les rues de Paris étaient bien longues et que ses petites jambes n'avaient jamais été à pareille épreuve. « Sais-tu, lui dit André, comment on parcourait l'interminable rue de Rivoli, qui s'étend depuis la place de la Concorde jusqu'au-delà de l'hôtel de ville? Sais-tu quelle longueur feraient toutes les rues de Paris si elles étaient à la suite les unes des autres ?»« Oh, point du tout, dit Julien. André, dis-le-moi vite, si tu le sais. » Eh bien, elle ferait une rue longue de 900 kilomètres, c'est-à-dire plus longue que le chemin de Paris à Marseille. Et un homme qui accomplirait à pied 40 kilomètres par jour mettrait 25 jours pour parcourir cette rue. « Oh, dit Julien, faut-il qu'il y ait des rues dans ce Paris? Est-ce qu'on les éclaire toutes quand on vient le soir ?»« Certainement, dit l'oncle France. Ce n'est plus comme autrefois, où les rues du vieux Paris n'étaient point éclairées. Chaque soir, 30 000 becs de gaz s'allument, les magasins s'illuminent, et toutes les voitures passent avec des lanternes brillantes. « Cela doit faire un bel éclairage !» s'écria Julien en sautant pour tâcher d'oublier qu'il était fatigué. « Je vais être content de voir cela. » « Tout de même, il faut de bonnes jambes aux Parisiens, car il y a joliment à marcher, pour aller d'un bout de leur ville à l'autre. »« Les voitures leur aident, petit Julien, » dit Franz. « Vois tous ces omnibus qui s'entrecroisent dans les rues. Moyennant 15 centimes, on te fera monter sur le haut, et tu seras traîné pendant 1 heure d'un point de Paris à l'autre. » « Oh, comme c'est bien inventé, cela, » dit l'enfant. « Je vois que tout le monde en profite pour aller à ses affaires, car les omnibus sont remplis de voyageurs. »« Tiens, » s'écria-t-il, « voici une voiture pleine de facteurs avec leur boîte aux lettres devant eux. »« Tous les facteurs sont conduits en voiture vers les quartiers différents qu'ils ont à desservir, » dit l'oncle Franz. « Sans cela, leurs jambes n'y suffiraient pas, et les lettres mettraient trop de temps à arriver. » Tout en causant, on parvint enfin à la maison du banquier, non loin des halles centrales. L'oncle Franz entra chez le banquier et y reçut l'assurance que le lendemain matin, il toucherait les 6 500 francs qui lui étaient dus. Tranquille sur ce point, nos trois amis reprirent leur promenade. L'île de France a formé 5 départements, dont les chefs-lieux sont Beauvais, célèbre par le courage de Jeanne Hachette, Versailles, 50 000 habitants, où résident le Sénat et la Chambre des députés. Paris, 2 millions d'habitants. Et les petites villes de Melun et de Laon. La place de la Concorde à Paris. La place de la Concorde est la plus belle et la plus monumentale de Paris. Elle est ornée de 8 colossales statues en pierre qui représentent les principales grandes villes de la France, entre lesquelles la Concorde doit régner. La rue de Rivoli à Paris. La rue de Rivoli, ainsi nommée à cause d'une victoire remportée en Italie par nos troupes, est l'une des principales rues de Paris. D'un côté, elle est bordée par le Palais et le Jardin des Tuileries, par le Louvre, par l'Hôtel de Ville. De l'autre côté, par de riches maisons et par des arcades, sous lesquelles affluent les promeneurs. Une rue du vieux Paris. Combien les rues de nos villes ressemblaient peu autrefois à ce qu'elles sont aujourd'hui. Elles étaient si étroites qu'on voyait à peine le jour entre les deux rangées de maisons. Le soir, jusqu'au temps de Philippe Auguste, les rues n'étaient point éclairées, et on ne pouvait sortir sans risquer d'être volé ou assassiné. Aussi, à 7 heures du soir, toutes les églises sonnaient le couvre-feu, c'est-à-dire qu'à partir de 7 heures, on devait éteindre son feu, sa lampe et ne plus sortir de sa maison.